resterai toujours pour toi, à portée de voix, tu le sais bien. Ça fait tellement longtemps que l'on navigue ensemble, tellement de temps qu'on s'est donné, et d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Mercredi de 21h à 23h sur Radio Web Passion, cette radio passion qui vous accueille à bras ouverts. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous préviens, je suis en super forme. Je suis en forme olympique. Je suis allée à l'Olympia lundi voir ce magnifique spectacle pour les 120 ans de Harley Davidson orchestré par Manu Lanvin, avec sur le plateau extraordinaire tous les guitaristes de Johnny Hallyday. Alors là, moi, je ne suis pas, j'ai pas atterri encore, je vous préviens, je vais vous en parler un petit peu ce soir. Mais voilà, c'était tellement splendide que je suis encore comme une pile alcaline, bien sûr. Alors, le programme de ce soir, il est génial, parce qu'on va avoir en direct un ami de longue date de Seb. Tiens, bonsoir Seb, nous sommes toujours, hein, je vous précise, hein, au studio des Moulins à Olivet avec Seb. Et bien, c'est un ami de longue date de Seb, et puis moins longue date pour moi, mais voilà, je le porte aussi dans mon cœur. On va avoir Richie Chantpro, ce sosie reconnu par Johnny, puisque ça fait 31 ans qu'il chante, Richie. Et il chante avec son cœur, avec son âme, et surtout, il n'essaye pas du tout d'imiter, ni d'avoir les mimiques, ni rien du tout. Et c'est pour ça que je l'aime, Richie, parce que, voilà, il est lui-même, il a une jolie frimousse, hein, faut quand même le dire. Il ressemble un petit peu à Johnny, ça faut le dire aussi. Mais voilà, il est lui-même. Donc on va l'avoir en direct d'Espagne là-bas, parce qu'il est, allé là-bas s'installer en Espagne. Mais bon, il n'y a pas de frontière pour nous. Pour Johnny, il n'y a aucune frontière. Donc il sera là avec nous une bonne partie de la soirée en direct. Je vous parlerai un petit peu de cet Olympia extraordinaire. Et puis je vous parlerai un petit peu de mes dédicaces pour mon livre « Sur la route avec toi, Johnny » du même nom que l'émission, aux éditions 1. C'est tout. Voilà, voyez le programme, 2 heures, ça va être encore trop court, comme d'habitude, mais on va s'y faire. Je vous souhaite une très très bonne soirée, à l'écoute de notre Johnny. Années 80, à nos jours, Radio Web Passion. Alors, on va commencer par une chanson. Alors, je vous ai vraiment choisi des chansons qu'on entend quasiment jamais, parce que voilà, toutes les chansons qu'on entend d'habitude sur toutes les radios, on a bien le temps de les entendre. Là, j'ai choisi une chanson, Un garçon sur la route. C'est l'album Rock à Memphis en 1975. On va rester pas mal dans les années 70 ce soir parce que j'ai parlé assez longuement avec Richie cet après-midi pour préparer cette interview et on était d'accord tous les deux pour dire que nos années 70, c'était nos années lumière, nos années détente, nos années musique, enfin voilà, l'énergie des années 70, elle est quand même là, il n'y a pas à dire. Alors on va écouter cette chanson, donc « Un garçon sur la route » de cet album Rock à Memphis. Vas-y, Johnny. Ouais, j'ai quitté ma maison, j'ai les yeux sur la route. Oh, j'ai quitté ma maison, je sais ce que ça coûte. Ouais, tu dois déjà pleurer, mais ce n'est plus mon affaire. Oh, la vie est contre moi et j'ai froid dans le cœur. Moi, mais je n'ai jamais peur. Ouais, je n'ai pour tout bagage qu'un billet sans retour. Oh Oh, ton corps est allongé, je ne peux m'attacher. Ouais, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Faire de la radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, la web radio du Loiret, à Sercotte. Alors, vous allez pouvoir écouter l'émission en stéréo, si j'ose dire. Vous pouvez l'écouter sur la radio, bien sûr, puisque vous êtes installé sur la radio. Donc, surtout, vous restez bien sur la radio. Mais vous pouvez également aller sur la page Facebook de la radio, déjà, sur la page Radio Web Passion, ou alors sur la page Sur la route avec toi, Johnny, la page Facebook. Et vous aurez la vidéo, puisque Seb a mis la vidéo en direct de l'émission. Donc, vous nous verrez tous les deux au studio. Voilà. Donc, bonne soirée, bonne écoute, bonne réception de la vidéo. Enfin, voilà, on est parti pour une super soirée. Donc là, on va passer à la chanson « I Got a Woman ». C'est un direct du Palais des Sports en 1976. Après, on aura notre Richie au téléphone. Vas-y, Johnny, « I Got a Woman ». Oui. Ah, on va voir si vous rappelez de celle-ci. Will. Beep up. Will. Well, don't you know I got a woman way over town. She's a kid to me. Oh, yeah. I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah, she's my baby. Don't you understand? She's a kind of woman in need. I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah, she's there to love me early in the morning. She's good to me. Oh yeah. She's there to love me early in the morning. Good to me. Oh yeah. She's there to help me when I'm in need. She's the kind of woman in need. Say I got a woman way out of town. Good to me. Oh yeah. She's there to love me day and night. My grandma's the first says treat me right. Never run in the street, leaving me alone. She knows a woman place right there, no hell, no home. I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. Oh, I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. Get to help me when I'm in need. She's a kind. A woman way out of town, she's good to me. All right. Day and night, never gone with a first says, always treat me right. Never run in the street, leaving me alone. She knows a woman plays, right there, no, in no home. I got a woman way out of town, good to me. Oh, yeah. Oh, I got a woman way our town. Good to me. She's a kind of woman. Well, I got a woman way up in town. She's good to me. Oh, yeah. She's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, I got a woman, yeah. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Feel all right. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Just because I got a woman way out of town, and she's good to me. Radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, toutes vos musiques préférées. Faire de la radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, toutes vos musiques préférées. Faire de la radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, toutes vos musiques préférées. Je vous ai dit que j'étais en forme, hein. Je vous passe de la musique qui déménage et qui bouge. I Got a Woman, ça déménageait au Palais des Sports en 1976. Donc voilà, nous allons commencer un petit peu l'interview avec Richie que l'on a au téléphone. Alors il nous amène le soleil, hein. Je sais qu'à cette heure-là il fait nuit, mais il nous amène le soleil, la chaleur de l'Espagne. Alors Richie, tu es là ? Oui. Oui, tu m'entends bien ? Oui, ça va aller, ouais. Ça va aller. Eh bien, écoute, déjà, bonsoir, Richie. Nous, on s'est déjà parlé cet après-midi, mais voilà. Bonsoir, Annie. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Eh oui, les auditeurs qui sont là, j'en ai vu plein à l'Olympia lundi qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais mercredi dans ton émission ?» Eh bien, ouais. On aura Richie au téléphone, en interview. Ben, ils étaient tous fans comme des lions. Bon, comment vas-tu, ben, Richie ? Comment vas-tu, Richie ? Dis-nous un petit peu. Écoute, mieux ce serait indécent. Ah. Ça va parfaitement bien, tout va très bien. Ouais. La vie est belle, quoi, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors oui, bien sûr. Mais ouais. Bon, il faut continuer le cap, il faut penser à tous ces gens qui sont dans le malheur, toutes ces histoires bien malheureuses. Mais justement, il faut avoir une petite part d'étoile quelque part pour faire passer les choses et puis aider les gens. Aider, si on peut aider un petit peu, voilà, avec la musique, avec notre Johnny, avec toi, avec d'autres, ça permet, voilà, d'assouplir un petit peu les choses. On ne change rien, mais on aide. Voilà, tu es d'accord avec moi ? Voilà, exactement. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, j'avais envie, tu vois, voilà, ce soir, de te consacrer... une émission parce que voilà, moi je suis toujours à fond dans Johnny, je suis toujours à fond. C'est une très très bonne maladie. C'est une très bonne maladie que je ne cherche pas à soigner, au contraire, je l'amplifie. Et puis je suis toujours sous le charme des concerts que j'ai pu vivre avec toi et grâce à Seb, hein, parce que je t'aurais pas connu. Si j'avais pas connu Seb, je t'aurais pas connu. C'est, faut quand même en parler de là. Hein. Donc, ouais. J'étais invitée. Ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Je suis très touchée. Ben oui, j'ai vu comme ça sur Facebook. Tu sais, des fois, on trouve des choses sur Facebook qui sont sympas. Une soirée qui était organisée il y a déjà combien, 4 ans, 5 ans, je sais pas, 6 ans peut-être même. Ben oui, au moins 6 ans puisque Johnny était toujours là. Et c'était une soirée organisée par Seb, justement, et l'association Appel 45 et Seb Animation. Et là, je vois sur le prospectus concert avec Richie. Oh, j'ai bon. J'en ai d'ailleurs gardé un excellent souvenir. Ah bah écoute, moi aussi. Et donc, c'était vraiment très, très bien. C'est là que j'ai fait ta connaissance. Je t'ai vu sur d'autres concerts, toujours avec Seb. Et franchement, bah voilà, j'avais envie de participer, de faire partager cette joie à tous les auditeurs, et puis qu'on parle un petit peu de toi, qu'on parle un petit peu de ta carrière, de ce que tu as fait, ouais. Voilà. Ben écoute, avec grand plaisir, je suis là. Alors, t'as commencé quand à chanter ? T'as pas forcément chanté du Johnny tout de suite, t'as commencé comment ? Ah non, ma vie a commencé très très tôt dans la musique, puisque si tu veux, mes parents ont eu la riche idée de me faire apprendre le piano à l'âge de 6 ans. Ah oui. Vois-tu? Et j'avais une professeure qui était très âgée, qui était casse-couille, quoi. Et ça me gonflait un petit peu. Donc, comme je suis un autodidacte et très, très indépendant, j'ai décidé d'apprendre le piano tout seul, après. Bien. Voilà. Après, un jour, ça m'a gonflé. Je me suis mis à la guitare. Ça m'a gonflé aussi. Je me suis mis à la batterie. Ah bah c'est et je suis resté à la batterie. Voilà. Génial. Et donc, je joue pas trop mal du piano. Je joue pas trop mal de la guitare, mais je joue assez bien de la batterie. Voilà. Ah, alors ça, je te prends au mot. Je te coupe, mais je te prends au mot. La prochaine fois que je te vois, faut que tu me fasses un solo de batterie. Ah, avec grand plaisir. Ah bah, oui, avec grand plaisir. J'adore ça. Eh bah, ben oui, parce que moi, je t'ai jamais vu jouer à la batterie. Donc, le prochain rendez-vous, Richie, c'est un solo de batterie. C'est obligé. Ah bah, oui, avec joie. Okay. Avec joie. Et voilà quoi. Donc, puis je me suis mis tranquillement, doucement à la musique. J'ai monté des petits groupes à droite, à gauche. Si tu veux, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir 15 ans dans les années 70. Ouais, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 70, à partir de 68, 69, 70, on a assisté en France, dans le monde, mais surtout en France, à une révolution musicale. On avait Elvis Presley qui arrivait, voilà. On avait tous les groupes de rock, Deep Purple, Led Zeppelin, etc., etc., qui nous ont régalé les oreilles, parce qu'on était habitués quand même. On avait Cotino Rossi, hein, faut pas rêver quand même. Quoi. Oui, oui, bah bien sûr. Avec petit papa Noël, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout donc, à fait. J'ai rien contre, hein. J'ai rien contre, mais bon, je crois plus au Père Noël, donc. Non, c'est sûr. Et puis Johnny est arrivé, il nous amène du rock'n'roll des années des Américains, là, des États-Unis. Mm. On avait trois chaînes en noir et blanc, hein, à cette époque. Ben oui, bien sûr. Donc, d'un côté, tu as Tino Rossi avec Petit Papa Noël, d'autre, ouais, tu as Johnny Hallyday qui était beau comme un dieu, toutes les filles à ses pieds, et il nous faisait du rock'n'roll. Bon, ben, choisis ton camp, t'as 15 ans, choisis ton camp. Ah, ben oui, c'est fait tout de suite, hein. Voilà, tu vois. Et voilà, et puis je me suis mis à la musique, voilà, petit à petit. J'avais 16, 17 ans, je prenais un manche à balai, et avec ce manche à balai, je m'en servais comme un pied de micro, et devant le miroir de ma chambre, j'imitais Johnny Hallyday. Voilà. Ah, génial. Génial. Tu vois. Mais justement, tu étais en train de me parler de Elvis, justement, d'Elvis Presley. Je t'ai demandé cet après-midi, pendant qu'on préparait cette interview, je t'ai demandé des titres qui te sont chers au cœur de Johnny. Et justement, tu m'as parlé de ce premier titre qu'on va écouter. C'est « Je suis un rock'n'roll man ». Parce que justement, tu m'expliquais que cette chanson, en fait, Johnny avait fait un hommage à Elvis. Tu peux nous dire un petit peu ce choix? C'était sur l'album en 1974, « Rock and Slow ». Donc ouais, moi j'ai pas toutes les dates en tête si tu veux, mais il faut dire aussi que Johnny était un grand fan d'Elvis Presley quand même. Et oui, évidemment. Donc on est en droit de se poser la question, si Elvis Presley n'avait jamais existé, est-ce que Johnny aurait existé? Voilà. Ça, je me la suis déjà posée. C'est vrai. C'est une question. C'est vrai. Et voilà, donc il nous a apporté des chansons interprétées en français, bien sûr, traduites en français. Voilà, comme Blue Sweat Shoes, etc. Et je suis un rock'n'roll man. Il est entré sur la scène de ma vie, donc c'est un clin d'œil à Elvis, oui. Ouais, c'est ça. Eh ben, si tu veux bien, on te laisse en attente et on va écouter cette chanson. Je suis un rock'n'roll man, parce qu'en plus, comme tu l'as dit cet après-midi, c'est une chanson qu'on n'entend pas souvent sur les radios. Ouais. Et en plus, ça déménage et ça bouge. Alors, comme j'ai commencé l'émission en déménageant, on va continuer de la même manière. Donc, on va écouter cette chanson. J'ai choisi la version 74. On aurait pu la prendre plus loin, mais ce soir, on est. Non, elle est très très bien parce qu'elle était récente. 74, hein, exactement, elle était toute récente et puis ces années, voilà. 64, ces années 70, bah, elles sont chères à nos cœurs visiblement ce soir à tous les deux, donc on va se plonger dans ces années-là. Donc on y va, Johnny, on t'écoute et puis Richie, on te récupère juste après la chanson. Avec plaisir. Dans mon cœur, J'étais un rock'n'roll man. J'étais un rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. J'étais un rock'n'roll man. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom. Et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Ce rock'n'roll man. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux lorsqu'il. Pour lui c'était la dernière chance. Oui, d'être un rock'n'roll man. Oui, d'être un rock'n'roll man. Et il chantait, oui, il chantait. Le rock'n'roll. Ses cheveux noirs dansaient, cachant presque ses yeux. Notre passion. Et oui, c'est vrai, sur Radio Web Passion, notre passion, eh bien, c'est la musique. C'est passer des soirées comme ça en live, en direct. Donner une belle place à notre Johnny, parce que bon, je vous parlerai après de l'émission de mon collègue Jean, hein, qui a lieu le jeudi soir, hein, sur la même radio. Donc, vous voyez, on met bien en jeu tous les styles de musique. Et puis ce soir, dans mon émission, eh bien, dans notre émission avec Seb, eh bien, on a Richie en direct. Et vraiment, c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Richie, tu es toujours là ? Je suis là, ouais. Ma petite amie. Eh bien, merci pour ce premier coup de cœur, parce que franchement, c'est une chanson qui bouge, ça nous fait du bien. Et puis, ouais. Effectivement, on ne l'entend pas si souvent que ça. C'était un beau choix coup de cœur et puis en plus voilà un petit hommage à Elvis Presley, ça fait pas de mal en passant, voilà. C'est exactement. Alors donc t'as commencé le piano, la guitare, la batterie, oui. Voilà, t'as chanté aussi dans les balles, hein, t'as fait des balles, c'est ça que tu. Ah, j'ai chanté un petit peu, oui, j'ai chanté un petit peu, mais bon voilà, c'est toujours pareil, tout le monde me disait chaque fois Tu as des intonations à Johnny, tu ressembles un petit peu à Johnny, pourquoi tu ne montes pas un show, etc. Voilà. Donc, et voilà, donc je répondais toujours, il y en a un qui le fait, il s'appelle Johnny Hallyday, je ne vais pas le faire chier, quoi. Mais oui, c'était une réaction logique, mais en même temps, bon, voilà, ça valait le coup de te lancer. Alors dis-moi, comment tu as prévu les choses, comment tu t'es décidé, comment ça s'est passé? J'ai pris la liste. Si tu veux, j'ai pris la décision un jour de le faire, comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les clés USB, on arrivait à avoir des bons sons. Moi, j'ai eu la chance, si tu veux, j'ai eu la chance d'approcher Yari Bami à l'époque. Ah oui. On était devenus très amis, et il m'a sorti quelques bandes originales, de Johnny. Il m'a sorti quelques bandes de studio. Donc, j'avais eu cet avantage-là de chanter sur des vraies musiques de Johnny, tu vois. Et j'ai commencé, comme tout le monde, je me suis un petit peu chié dessus quand même, parce que mon premier gala, il y avait énormément de fans de Johnny devant moi, et je me caguais, quoi. Je me disais, j'ai pas intérêt à me planter, parce que à la limite, ils connaissent les chansons mieux que moi, même. C'était quand même, c'était un sacré challenge, hein, quand même. Hein. Et puis ça s'est très bien passé, vraiment très bien passé. À partir de là, si tu veux, pas mal de gens m'ont demandé mon numéro de téléphone pour organiser des anniversaires, des soirées privées, etc., etc. Et petit à petit, je suis arrivé après à avoir un public, évidemment que les fans de Johnny, bien évidemment, plus quelques curieux qui venaient me voir et qui me disaient, c'est pas mal ce que vous faites, etc. Surtout n'arrêtez pas. Et voilà, mais j'en suis aujourd'hui à 31 ans. Voilà. Eh ben ça, c'est super, c'est super. 31 ans d'Alizé, 31 ans de scène. Comme je dis souvent, je m'amuse toujours. Quand je vais sur scène, c'est pour m'amuser. Si je vais travailler, je crois que j'arrêterai, si je vais travailler. C'est ça. Parce que ce métier, faut le prendre avec légèreté, et non, surtout ne pas se prendre au sérieux comme malheureusement beaucoup le font, et oui, évidemment ça. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est qu'effectivement, ça se ressent. Hein, quand on va à ton concert, ça se ressent que tu es détendu. Je t'entends très très mal, Annie. Ah, je suis désolé. Attends, on va se rapprocher un petit peu. Oui, voilà. tu le dis sur scène, hein, que on le ressent sur scène. Je veux dire que tu es là pour t'amuser, que tu es là pour partager plein de choses, plein de belles énergies, et ça, on le ressent bien. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que tu es Tu es toi-même, quoi. Tu cherches pas. On va pas citer de nom, mais t'es pas comme certains à faire les mêmes mimiques, à prendre les mêmes positions, à essayer d'avoir. Tu cherches, Johnny. Voilà, t'as la chance d'avoir. Dans ce métier, il y a beaucoup de mythos aussi. Énormément de gens qui s'imaginent. Mais oui. Moi, Johnny m'apprécie un petit peu pour ça, parce que j'étais moi-même, mais que j'avais ma propre identité. D'ailleurs, je m'appelle Richie et pas Johnny. Oui. Alors, j'ai gardé Richie parce que ça finissait avec un Y. Oui, voilà. C'est ça. Et c'était court, deux syllabes. Alors dis-moi comment tu as fait, comment ça s'est passé quand tu as rencontré Johnny? Ça c'est une longue histoire, mais c'est tellement fabuleux. Chaque fois qu'on me pose la question, je cherche les mots parce que je me remets, si tu veux, au même moment et au même endroit. Et je suis très, très, très ému. Alors, on a un petit souci. On va passer une chanson en attendant de récupérer. On va mettre la chanson à la raton. Ah non, ça y est, on va le revoir. Alors, on a été coupé. Oui, on a été coupé, ça y est, t'es revenu. Alors, oui, donc ça y est, c'est réglé. Oui, tu disais. Et, tu veux, voilà. Donc, j'avais sorti un 45 tours, un album à mon nom à moi. Et je vais le présenter au Midem de Cannes en 1978. Oui. Voilà. Donc, je vais le présenter. Je cherche l'attaché de presse de Michel Drucker, qui était évidemment sur place. Et je tombe sur lui, donc, qui logeait au Martinez à Cannes, et je tombe sur l'attaché de presse de Drucker, et donc je l'expose mon petit souci, ma raison d'être à Cannes. Je lui dis, voilà, j'ai un 45 tours, j'aimerais le présenter à Michel Drucker. Il me dit, donnez-le-moi, je me ferai écouter, etc., en sachant rien qu'il l'écouterait pas, mais peu importe. Oui, voilà. Et il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc, si tu veux, là où je travaillais, le téléphone sonne et on me dit, il faut que tu ailles au Palais des Festivals. Tu as rendez-vous à 18h. Bon, je vais au Palais des Festivals, ouais, c'était déjà énorme pour moi. Énorme. Je vais au Palais des Festivals, et je rentre dans le bureau, Drucker n'était pas là, mais il y avait son attaché de presse qui m'a dit, écoutez, j'ai écouté votre 45 tours, il est sympathique, mais on ne pourra pas nous-mêmes donner suite commercialement. Bon, mais oui, je m'y attendais de toute façon. Et je ressors du bureau, je tombe nez à nez avec Johnny. Mais nez à nez. Incroyable. Nez à nez. Incroyable. Je suis resté paralysé, je ne savais pas quoi dire. Bonjour, voilà, toi, j'étais bouche bée, paralysé. Je n'arrivais pas à parler, et puis j'avais rien à dire en plus. Je n'avais pas lui demander si ça va, tout le monde lui demande si ça va. Donc, Et j'étais complètement bloqué, je tremblais à l'intérieur. C'est... Oh là là, ouais, phénoménal. Donc il est rentré, moi je suis sorti, et je me suis assis, j'ai mis une bonne demi-heure pour me remettre, parce que je ne m'y attendais absolument pas du tout. Évidemment. Voilà. Je savais qu'il était en concert le soir même à Cannes, avec toute son équipe des années 78 et 80, mais j'ignorais totalement que j'allais le croiser. Bien absolument. Sûr. Ben oui, si tu peux pas. Ça a été un bouleversement dans ma vie, et j'en parle toujours avec émotion. Ben oui, je te comprends, hein, parce que moi, tu sais que j'ai sorti mon livre il n'y a pas longtemps, et je commence mon livre justement par la première fois où je me suis trouvée en face de lui, alors que je ne m'y attendais pas. Ouais. Je venais pour un concert le soir, mais je l'ai rencontré comme ça au hasard l'après-midi, et c'est vrai qu'on est paralysé sur place, paralysé complètement. Oui, c'est impressionnant dans la mesure où on est femme, quoi. Donc, il n'y a aucun mot qui sort de ta bouche, quoi, je veux dire, c'est très compliqué. Et alors, lui, c'est lui qui a essayé de faire un petit peu de dialogue ou non? Comment ça s'est passé? Pas du tout, on ne s'est pas parlé. Bonjour, bonjour. Ah ouais. Voilà, ah là là. C'est tout, je ne savais pas quoi dire. Je suis parti, rentré. Oh là là, et donc voilà, et il couchait lui aussi, il logeait aussi au Martinez, lui, à Cannes. Donc ni une ni deux, je passe au grand magasin où je travaillais, je dis à mon patron, écoute, si ça te dérange pas, je vais arrêter parce que j'ai rendez-vous à Martinez. Là. Et il me dit, vas-y, la boutique allait fermer, c'était 19h et quelques. Et je vais au Martinez, il y avait tous les musiciens en train de boire un coup. Oh là là. Bonjour, voilà. Mais j'aimerais voir Johnny. J'ai appris que Johnny était là, donc j'aimerais le croiser. Et les mecs me disent, bah, assis-toi dans la toile avec nous, il va pas tarder. Voilà, ça s'est passé comme ça. Il est arrivé, on n'a pas parlé du tout, je lui ai pas parlé, je savais pas quoi dire. Mais, non, mais moi, t'as... Il leur a dit, c'était Jean Costa qui à l'époque était chef d'orchestre. Ouais. Et qui lui a donné, il y a un fan qui est là, de Cannes, il aimerait assister au concert ce soir. Et Johnny me regarde, il me dit, t'as qu'à venir avec l'équipe. Voilà, oh là là. C'est passé. Et le soir, j'ai assisté au concert. À l'époque, si tu veux, il n'y avait pas les barrières et tout ça, tu vois. Oui, bah donc, oui. Donc, il y avait les malles, les cantines, etc., qui étaient sur la scène. Oui, oui. Et j'ai assisté à mon premier concert, assis sur les cantines. Oh là là. Sur la scène. J'avais Johnny devant moi à 3 mètres. Quelle belle histoire, Richie. Oh là, franchement, c'est magnifique. J'espère, chers auditeurs, que vous êtes heureux d'entendre cette histoire. Moi, je ne l'avais pas encore entendue. J'avoue que c'est la première fois que j'entends aussi. Et c'est vraiment, vraiment merveilleux. Bah, merci de nous mettre dans ces confidences-là, parce que moi, j'en ai la chair de poule. Hein. Franchement, c'est... J'écris un petit peu tout ça dans mon livre. Alors, on en parlera tout à l'heure de ton livre, t'inquiète pas. Ouais. C'est prévu au programme. On va écouter ta deuxième chanson, Coup de cœur. C'est une chanson, alors quand tu m'as cité le titre cet après-midi, j'ai dit, oh là là, mais moi je l'aime tellement aussi. C'est la chanson Jésus-Christ. Jésus-Christ, elle est sortie en 45 tours, le 25 avril 1970, et elle a clos l'album Vie, qui lui est paru le 6 novembre 1970. Elle était composée par Eddie Vartan et écrite par Philippe Labro. J'adore les textes de Philippe Labro, ça c'est depuis toujours. Ouais. Mais par contre... C'est une chanson qui correspondait parfaitement, qui tapait à la porte des années 70, puisque c'était la suite du festival de Woodstock, tu sais. Oui. Donc, c'était le mouvement hippie qui dirigeait le monde, quoi. Exactement. Et alors, cette chanson, justement, qui était sortie en 45 tours, elle à sa sortie, elle a fait l'objet de vives polémiques et de contestations. Ouais. Et elle a été interdite de diffusion sur les radios et à la télévision. C'est quand même fou, quand tu y penses. Hein. Et cette chanson pour Johnny Hallyday a été très importante dans sa vie. Je vais t'expliquer juste une petite anecdote. Bien sûr. Que tous les fans ont vu ça. Un jour, il parle à Laetitia, il lui dit, j'aimerais changer ma croix que j'ai autour du cou. Il avait tête de mort à l'époque. Ouais. Et j'aimerais mettre une croix avec le Christ qui est cloué et la guitare à la main. Ouais. Parce que pour Johnny, Jésus était rock'n'roll. Bien sûr. Il avait peut-être pas tort, à savoir. Non, il n'avait pas tort, je pense. Et c'est en pensant à cette chanson, en fait, qu'il a fait créer la croix par un joaillier. Et oui. Voilà. Dont il a offert une deuxième croix à Robin le Mesurier. Absolument. Absolument. Tu vois, on est dans les confidences. Hein. Non, parce que la mienne, celle que j'ai tout le temps sur moi, est pareille, hein, elle est en argent massif. Bien sûr. C'est Laetitia qui m'a donné les coordonnées du joaillier. Bien sûr. Ouais, elle m'a coûté une blinde quand même. Ah, elle m'a coûté une blinde, faut dire ça, la vérité. Mais voilà, bon, j'ai pas mis le gigage parce qu'il n'y en a qu'un. Ouais. Et puis voilà. Quoi. Mais elle est magnifique. Je l'ai vue tout de suite. Hein. Dès que je t'ai vue, j'ai dit oh là là, ouais. Oh là là. Eh bien, on va écouter cette magnifique chanson Jésus-Christ de Johnny. Génial. Ouais, c'est cette version 70, on est toujours dans les années 70, ouais. Bien sûr. Allez, ouais. On y va, on écoute et on te retrouve après, Richie. Avec plaisir. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et couché sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage au grand festival de Woodstock. C'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui, Jésus. Retrouvez toutes vos musiques préférées grâce à l'application Radio Web Passion, disponible sur App Store et Android. Alors là, ça faisait énormément longtemps qu'on n'avait pas entendu cette chanson sur les ondes. Grâce à Richie, franchement, on a fait un rattrapage bien ah sympathique. Ah ouais, parce que ça passe jamais, ça. Ah non, ça passe jamais, ça passe jamais. Alors, bon, chers auditeurs, ouais, je vous ai mis un commentaire sur la vidéo en direct, hein, puisque on passe à la radio, mais on passe aussi en direct vidéo sur les groupes Facebook. Vous pouvez directement sur le direct poser vos si vous avez des questions à poser à Richie, hein, je les poserai pour vous en direct. N'hésitez pas si vous avez des petites questions à lui poser. Profitez-en, il est là avec nous un petit moment encore, donc n'hésitez pas. On regarde vos questions et il se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà. En tout cas, eh ben oui, hein. On va profiter que tu es là avec nous. En tout cas, merci parce que j'en ai encore des frissons et je pense que tout le monde est dans le même cas. Merci pour cette jolie histoire de cette rencontre avec Johnny et ce premier concert assis sur un flycase quand même. Bon, voilà, ouais, c'est quand ouais, même... Oui, mais figure-toi que même moi, quelquefois, quand j'y repense, je me dis quand même c'est inimaginable ce qui t'est arrivé. Quoi. Mais oui. Mais oui. Mais tu sais ce que Johnny m'a dit. Je m'en souviens, si tu veux, à la virgule près. C'est ça, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, ma première rencontre avec Johnny, c'était le 9 août 1972. Ouais. Je l'ai raconté dans mon livre, à la virgule près aussi. Parce que on est tellement gravé, on est tellement. On se rappelle de chaque instant, de chaque seconde. Mais bien sûr. Effectivement, hein, c'est fou. Hein. Mais c'est vraiment une très jolie histoire. Franchement, c'est très beau. Alors, après, donc, ça y est, t'as monté ton show, Johnny, et t'es parti sur les routes. Ah oui. Et depuis 31 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'amuse, je m'éclate. Je suis heureux de voir du monde, de voir des gens. On parle de Johnny, mais on parle de beaucoup de choses aussi. J'ai un avantage, si tu veux, c'est que moi, je suis très, comment pourrais-je dire, très humain. J'aime les gens. Voilà. Oui, ça se voit, oui. Et c'est un plaisir de plus que je ressens dans mon métier. Quoi. C'est un plaisir en plus. Mm. En plus de la scène, il y a l'après-scène, il y a l'après-spectacle, où je parle avec les gens sont contents, on boit des coups ensemble, voilà, je fais des photos, etc. C'est exactement ça, c'est ça que j'apprécie après chaque concert. Alors la première fois où je racontais tout à l'heure le premier spectacle où je t'ai découvert grâce à Seb, je me suis dit, j'aimerais bien à la fin du concert lui parler, lui dire comment je suis fan et tout. Et je me dis, mais est-ce qu'on va pouvoir le voir, quoi? Parce que bon, je m'imaginais que tu allais partir dans les coulisses et puis après, bah voilà, malheureusement, ça y est, la soirée est terminée. Mais pas du tout, t'es arrivé tranquille. Non, mais ça, c'est certain qu'il y en a qui le font. On m'a souvent dit, ouais, il y en a machin, il est parti, même pas en boire, mais rien. Bon, mais après, si tu veux pas, quoi, chacun sa mère, comme je dis. Mais oui. Moi, j'aime les gens, et voilà, je peux pas m'en empêcher. J'ai toujours été, j'ai passé ma vie au contact des gens. Donc, je peux pas faire autre chose que ça. Bien sûr. Et puis, c'est tellement agréable, justement. Moi, c'est comme un bon livre. Moi, quand je lis un bon livre, j'aime bien prendre contact avec l'auteur après pour aller lui dire ce que j'en pense. Voilà. Et l'auteur... Bah, après, tu liras le mien, hein. Tu liras le mien. Oui. Mais j'aime bien aussi, quand je vais voir un artiste, avoir l'occasion d'échanger avec lui, de déjà lui dire si ça va. Mais le public aime, le public veut, le public aime ça, il attend ça. Mais bien sûr, c'est important, puis de savoir, voilà, hop, tu vas chercher ta petite bière, on prend la nôtre, on trinque, on fait des photos. Ah, il peut arriver, alors si tu veux, il peut arriver des soirs où on est quand même vraiment crevé, quoi, tu vois. Bien sûr, mais c'est normal. Et t'as pas envie de parler avec personne, tu restes dans ta loge. Mais bien sûr. Ça peut arriver aussi. Mais bon, c'est bien sûr, on va pas à l'usine travailler non plus, on fait pas 8 heures par jour à l'usine. Hein, donc, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est très agréable, c'est que tu te mets à la portée des gens, tu es très abordable et on peut passer vraiment... Alors, en fait, on passe le concert, on passe un très bon moment, et après, on a la troisième mi-temps où on se dit, oh, c'est génial parce qu'on a pu parler avec lui. Si tu veux, c'est quand même grâce à eux que je fais ce métier, c'est grâce à eux que je continue, c'est grâce à eux que je dure, c'est grâce à eux que je suis là. Bien sûr, mais bon, tout le monde... C'est une manière de les remercier aussi, quoi. Bien sûr, mais c'est le cas pour tous les artistes, et tous les artistes ne réagissent pas comme toi. Voilà, c'est pour ça que je voulais me permettre d'insister là-dessus, parce que tous les artistes ne sont pas au service du... On va pas citer le nom. Non, mais voilà, c'est important. Quand il y a des choses qui vont pas, on sait le dire, et moi, je trouve qu'il faut savoir aussi dire quand il y a des choses qui vont bien. Voilà, et c'est le cas. Voilà. Donc, tu nous as fait une soirée, là, samedi dernier. C'était où déjà, à côté de... Dis-nous. C'était à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Voilà. Ouais. Alors, j'ai fait une très belle soirée avec les choristes. Ouais, ça s'est bien passé. Les choristes qui ont bossé dans les plus grands orchestres de France et puis qui sont avec moi maintenant depuis quelques années. Ben oui, je les ai vus. Et voilà, très souvent, je suis avec mes musiciens, avec mes performés, c'est toujours une question de budget. Hein. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et je me déplace uniquement avec mes choristes dans des petites salles, etc. Et c'était bien, grosse ambiance, magnifique, c'était super. Ah, génial. C'était super pour aller à l'île. Johnny était encore à l'honneur et Richie était encore à l'honneur. Ouais. C'est super. On va écouter... Ouais, c'est vrai. Alors, avant de parler de ton livre, on va écouter ton troisième coup de cœur. C'est « Ce que l'amour a blessé ». Ah, celui-là, alors, je l'aime beaucoup. Alors, dis-nous pourquoi. Pour diverses raisons, mais la principale raison... celui qui l'a écrit s'appelle Jean Renard. Oui. Et Jean Renard est celui qui a écrit aussi Que je t'aime. Oui. Et j'ai eu le privilège, avec tous mes musiciens, tout mon staff, de l'interpréter devant lui. Que je t'aime. D'interpréter Que je t'aime devant lui, devant Jean Renard, puisqu'il était, on avait une croisière spéciale de Johnny Hallyday. Et il était invité d'honneur, bien sûr. Donc j'ai interprété Que je t'aime devant lui, et ensuite on a discuté beaucoup, etc. Il m'a dit, vous savez que j'ai écrit Ce que l'amour a blessé aussi, etc. J'ai dit oui, je sais. Et j'aime beaucoup cette chanson quand même, mais beaucoup avant de le connaître, Jean-Renard. Tu vois? Oui, bah oui. Parce que c'est une chanson d'amour. Hein. Et oui. Mais c'est une chanson d'amour de jeunes qui reviennent de la guerre, qui, voilà, tu vois. Bah oui, bien sûr. On sent qu'il y a pas mal de souffrance quand même. Beaucoup, tout à fait. Ouais, absolument. C'est ça. Mais l'amour fait souffrir, hein. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Forcément. Écoute, on va écouter cette merveilleuse chanson. C'est pareil. C'est aussi une chanson génial. Qu'on n'entend quasiment jamais. Donc, tu nous gâtes ce soir avec tes coups de cœur parce que ce sont des chansons vraiment. Qu'on a plaisir à réentendre. Exactement. On entend bien plus. C'est vrai. Alors, on écoute cette chanson, Ce que l'amour a blessé, et on te retrouve après, Richie, bien sûr. OK. Comme des revenants de guerre, comme des revenants du front. Ils ont la peur aux yeux, ils ont la ride au front. Comme des jeunes vieux, ils marchent le dos courbé. Ils font un peu pitié, ils font un peu pitié. Ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur. Ouais. Comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Sans pleurer, ils lèchent leurs que l'amour. Ah, tuer. Ah, des années 80 à nos jours, Radio Web Passion. Alors, merveilleuse chanson, Ce que l'amour a blessé. Franchement, merci Richie pour ce choix encore. Oh là là, c'est incroyable. C'est vrai que ce sont des très belles chansons, c'est vrai. Ah ouais, franchement, c'est une merveille. Alors, tu vois, j'ai lancé l'idée tout à l'heure de que les gens puissent te poser des questions. Ben voilà, ça afflue. Hein. Alors déjà, tu as le bonjour de plusieurs fans. Je ne peux pas tous les citer parce qu'on passerait notre temps à ça, mais on va en citer juste une, c'est Nadine. Nadine Lemaître-Monceau qui t'a vu à plusieurs concerts. Le premier, c'était à La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Donc, elle te souhaite le bonjour. Voilà. Tu l'as vu plusieurs fois, à plusieurs occasions. Et la fameuse soirée avec Seb, elle était là aussi. Donc, c'est une fidèle de Richie. Voilà. Donc, elle tenait à te passer. Et je l'embrasse très fort. Voilà. Tu vois, Nadine, Richie t'embrasse très fort. Alors, les questions, Seb. On avait quoi comme question? Quand est-ce que tu reviens dans le Loiret? Mais quand tu aurais un contrat signé. Bon, on va s'en occuper. On va voir ça. La réponse était facile. Alors après, on a commencé à parler de ton livre. Alors on va en parler, mais il y a déjà des questions. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre? De quoi parle ce livre? Enfin voilà, donc ça amène la discussion. Parle-nous de ton livre pendant ce temps. Le livre, je l'ai intitulé « L'ombre de sa lumière ». Oui. Alors, l'ombre de sa lumière, c'est facile à comprendre, puisque Johnny Hallyday m'a éclairé toute ma vie. Oui. Et j'ai vécu dans l'ombre de cette lumière-là, qu'il était lui-même. Voilà. D'accord. Okay. Donc, le titre était tout à fait l'ombre de sa lumière. Et il parle, c'était une semi-bio, quoi, on va dire, un petit peu. Donc, oui. Ça parle de moi, de mes débuts, de mon enfance, de mon adolescence, mes débuts. Et j'ai un petit peu eu mille vies aussi, quoi. Donc, et puis ma rencontre avec Johnny, et puis toutes les années que j'ai passées à faire de la scène, et puis les quelques repas que j'ai pu participer, où j'ai pu participer, où il était présent aussi, etc. Quoi. J'ai eu la chance de connaître Laetitia, sa dernière épouse, etc. Donc tu racontes pas mal de choses, d'anecdotes. Donc, Il est très illustré par contre, il y a pas mal de photos. Super. Ouais. Donc je vois aussi. Vas-y. Pardon. Je vois aussi que la c'est dédicacé par Pierre Billon, donc ça c'est chouette. Absolument. Pierre Billon est un ami de longue date, de très longue date. J'ai rencontré Pierre Billon il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et voilà, depuis on communique de temps en temps. Quoi. Ben oui. Alors. Et c'est un mec bien. Ça a été. Il faut préciser aussi quand on dit ouais, mais Johnny et Eddie Mitchell, etc. Non. L'ami le plus fidèle de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday avait deux amis fidèles. Le premier c'était Tiki Olgado. Exact. Qui était collé à lui. Et le second c'est Pierre Billon, qui a tout fait avec lui. C'est vrai. Ben oui. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Hein, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. Les faits sont là. Quoi. Oui, les faits sont là. Alors, chers auditeurs, la journée là-dessus. Exactement. Chers auditeurs, je viens de vous mettre sur la page de l'émission de la radio, hein, sur la route avec toi, Johnny. Je viens de vous mettre la photo du livre de Richie. Donc déjà comme ça, vous pouvez voir au moins la photo de première de couverture. Jusqu'à maintenant, on pouvait se procurer le livre en allant à tes dédicaces. Oui, mais j'ai quelques éditeurs qui sont intéressés, donc il sera normalement commercialisé dans toute logique début 2024. Ah, génial. Que ce soit la Fnac, Amazon, etc. Les bonnes librairies rock'n'roll, quoi. Ah bah super. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler quand j'aurai confirmation qu'il est bien sorti. J'aurai l'occasion d'en reparler dans l'émission pour que vous puissiez aller, chers auditeurs, l'acheter dans vos Fnac ou où vous voulez. Voilà. En tout cas, je vous ai posté la photo de la première de couverture, comme ça déjà, ça vous dit un petit peu T'as une belle frimousse quand même, Richie. Je suis désolée, je suis obligée de te le dire. Hein. Ah bah oui, hein. Ouais, vous pouvez aller voir hein, la photo. Hein. Vous allez voir comme il est beau, ce Richie. Bon. Arrête. Je vais rougir. Tu vas rougir, mais je te verrai pas. Bon, alors là, tu as donc fait ton tu l'as annoncé comme ta dernière, hein, le concert. Ouais, de samedi. C'était mon dernier concert. C'était mon dernier concert. C'est pour ça que j'ai eu, il y avait beaucoup d'amis, j'avais énormément d'amis qui étaient présents, etc. Une municipalité fabuleuse qui nous a accueillis. Donc c'était le dernier concert. Alors moi justement, Richie, je râle pas souvent, hein, j'écoute, des fois je suis un peu en colère puis je dis rien, mais là j'avoue que quand j'ai vu que tu postais ça il y a déjà quelques mois en disant voilà telle date c'est ma dernière, moi je suis pas d'accord parce que j'en ai encore trop besoin d'aller à tes concerts, trop besoin de t'entendre chanter. Franchement. Laisse-moi terminer ma phrase, s'il te plaît. Oui. J'ai bien annoncé partout que c'était le dernier concert. Tout à fait. Et c'est le dernier. Et ce sera le dernier. Oh, bah oui, mais non. Mais de cette année. Ah, voilà. Tu me rassures. Hein. De cette année. Ah, bah, t'es le soleil de ma journée, hein. Franchement. Ouais, non, mais c'était pas possible d'entendre. Là, c'est la dernière. Moi, je vais tout te dire. Je vais dire la vérité, même aux auditeurs. Bon, je voulais arrêter. C'est vrai. Mais, depuis le mois de septembre, carrément, juillet, que je l'ai annoncé, j'ai pas mal de demandes pour 2024 aussi. Donc, on continue. Parce que d'abord, j'aime. Et puis, qu'est-ce que je vais branler dans mon canapé tout seul? Et puis, me faire chier, ben, à regretter de pas aller à droite, à gauche, de pas venir à Saint-Aubin, etc. C'est etc. Sûr, donc, j'ai dit, allez, on repart en 2024. Ah, bah, merci à ceux qui t'ont demandé de revenir. Hein. Alors là, ceux-là, il faut leur donner une... Non, mais c'est vrai, tu pouvais pas nous faire ça. C'est... Mais je te jure, hein, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, le filou de Seb, qui est à côté de moi, là, mon technicien préféré, quand je lui ai dit ça, j'étais tellement en révolution. Je lui ai dit, ouais, t'as vu un peu ce que Richie il a publié, que c'était sa dernière, il va arrêter, mais c'est n'importe quoi et tout. Et mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait une drôle d'attitude, je sais pas, il a pas marché dans le truc, je sais pas, je dis il me cache quelque chose, mais bon, il disait rien, et en fait il m'a dit tout à l'heure, mais je savais qu'il allait continuer, ah le fripon, non mais c'est pas possible. Il avait un dernier, voilà. Il est dans la confidence. Et on remet pas le couvert en 2024. Il t'entend. Eh ben oui, il est filou. Ah, j'entends très mal. T'entends mal. Non, mais je te disais, on se connaît bien, Richie, donc de toute façon, il n'y avait pas de souci. Je sais qu'on se connaît. Et lui, non, savait... tu ne savais pas. Non, tu t'en doutais. Oui. Oui, il s'en doutait. Non, je suis un petit peu farceur aussi, c'est vrai. Oui, tu es farceur, mais moi, franchement, je suis tombée dans le panneau et ça m'a mis... Là, c'est bien... le but. Ah ouais, et ça m'a mis en colère et je me suis dit... il faut que je trouve le moyen de lui dire non, faut pas faire ça, faut pas nous laisser. Tu sais, amis des filles, j'en ai fait tomber dans le panneau, hein, quelques-unes aussi. Mais c'était pas le même. Non, c'était pas le même. Donc, bah, écoute, on va écouter ton quatrième coup de cœur. Non, on peut peut-être écouter Richie, là. T'es prêt, là? On va t'écouter toi, hein? On va t'écouter toi. Et tu nous mets quoi? Quelle chanson de Richie? Que je t'aime de Richie. Eh ben, on t'écoute. On est toutes, oui, on t'écoute, Richie. Oh, allez. Thank you. ça fait du bien d'entendre Richie en live. Ça fait du bien avec le public qui t'accompagne. Ça fait trop de bien. Ah ouais? Ah bah oui, c'est ça qui est important, c'est le live avec les fans qui chantent avec toi. C'est génial, c'est génial. Alors justement, dis-moi, quand tu es sur scène comme ça, que tu as tous les fans qui sont en face de toi, tu leur dis de chanter plus fort, ils chantent, ils dansent. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi à ce moment-là? À la base, si tu veux, il y a obligatoirement une complicité qui naît au fur et à mesure du spectacle. Mais oui. Le début, tout le monde sait que même avant, je ne suis pas connu et je ne cherche pas à l'être. Donc ils viennent voir, les gens savent qu'ils viennent voir Richie, ils ne viennent pas voir Johnny. Oui, donc quelque part, il y a une certaine timidité, une certaine froideur, des vieux montent sur scène, etc. Et petit à petit, on fait monter la température. Et il faut que j'arrive à voir mon public, enfin le public dans ma poche. Quoi. Ben oui, oui, oui. Mais bon, ça va, c'est pas très compliqué. C'est un vrai métier, c'est pas du tout, si tu veux, c'est pas Sardou, Bruel, Johnny, les mecs, ils arrivent, ils pirent jusqu'à 200 euros là pour y être, donc ça n'a rien à voir. Moi, c'est un véritable métier à part, si tu veux, je suis à la base anonyme. Donc, les gens viennent voir un spectacle de Johnny. Oui. Voilà. Ils ne savent pas, beaucoup ne savent pas encore, même si ça fait 31 ans que je fais ça. Certains viennent me voir et figure-toi qu'il y a même des gens qui m'ont uni, c'est quand même étrange ça, ils m'ont dit, je n'aimais pas Johnny, vous m'avez fait aimer. Ah, ça, alors c'est... écoute-moi bien, c'est ma plus belle des récompenses. C'est ce que j'allais dire, c'est incroyable cette phrase, incroyable. C'est mon salaire, ça c'est mon salaire ça. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je n'appréciais pas Johnny, moi, bref. Mais vous m'avez fait aimer, ma femme a voulu venir et vous m'avez fait aimer. Eh bien écoute, ça vaut tous les salaires du monde. C'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir et quelque part c'est bien parce qu'il y en a aussi sûrement... Qui aimait Johnny, évidemment, et qui devait se dire « Oh, allez, bon, Richie, on va aller voir ce que ça donne, mais bon, voilà, comme d'hab, quoi, ça va pas être terrible et tout », et qui se disent « Oh, ils prennent une claque, quoi, ils prennent une claque ». Ben écoute, j'ai pas la voix de Johnny, hein, moi j'ai ma voix à moi, je chante avec ma voix à moi, donc comme je te dis déjà plusieurs fois, je ne cherche pas de l'imiter, je chante avec ma voix. Après, ceux qui viennent écouter du Johnny Hallyday, peut-être sont un petit peu déçus. Mais après, ceux qui viennent voir un spectacle de Johnny Hallyday, bah, je fais le maximum pour qu'ils soient ravis, qu'ils partent enchantés. On peut pas être déçu parce que moi, personnellement, si je vais te voir toi, je n'attends pas à entendre la voix de Johnny. J'attends que tu m'interprètes les chansons de Johnny avec ton âme, avec ton cœur, avec tes tripes et avec ton émotion. Et que je ressorte en disant « Ah, j'ai entendu du bon Johnny ». Je n'ai pas entendu Johnny, j'ai entendu du bon Johnny. Donc, tu vois, c'est ça l'important. C'est le but. Et si tu arrives à ça, t'as tout gagné, quoi. T'as tout gagné. C'est génial. Ah, ben, c'est génial. Ben, c'est surtout le public. Hein, moi, on fait un métier, on ne ferait pas ce métier-là s'il n'y avait pas les gens, hein, bien évidemment. Bien sûr. Ce public qui te donne la hargne, qui te donne la rage, Tu sais, j'ai eu le privilège de faire un méga concert devant entre 20 et 25 000 personnes recensées. Ah, c'était où sur ça? Sur la place du 1er mai de Clermont-Ferrand. Et là, tu te chies dessus, quoi. Je faisais un pas en avant et en arrière parce que les 4-5 fois par an, j'avais tous des t-shirts Johnny Hallyday. Ah ouais. Bon, et là, faut déconner, quoi. C'est impressionnant. Mais après, c'est fini. Au bout de la troisième chanson, ça y est, c'est fini. Oui, t'es emporté dans le truc. Ils connaissent les chansons de toi. ouais, non, mais c'est clair. Mais ça doit quand même être impressionnant, 20 000 personnes devant soi, quand même. Très impressionnant. Bon, j'ai eu fait pas mal de 5 000, 6 000, 7 000, 3 000, 2 000, même 20 personnes, hein, des soirées privées, même 15. Ouais. Voilà, j'ai fait le même métier pour 15 que pour 20 000. Mais quand tu es devant 20 à 25 000 personnes, que l'organisateur te dit, Richie, on a eu 25 000 personnes ce soir. Tu prends une gifle, c'est clair. Tu te dis, j'ai intérêt à être à la hauteur Mais quel pied? Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent ressentir la même chose dans leur occupation ou dans leur loisir ou dans leur hobby, mais je dirais qu'on frise l'orgasme quoi, quand on est sur scène comme c'est ça, tu vois. C'est ça. Bon, c'est pas le même orgasme. Hein. Non, bien sûr, mais c'est une énergie incroyable. Ouais. Quoi. C'est une énergie incroyable. C'est incroyable, et puis tu peux rester 2 heures sur scène, tu as fini, tu n'es pas fatigué, tu vois, parce que le public, c'est le public, c'est l'essence, quoi. C'est l'essence de l'artiste. Et justement, quand tu as fait 2 heures sur scène comme ça, devant 20-25 000 personnes, que tu as été porté complètement, quand tu te retrouves dans les loges, c'est pas trop dur la redescente ? Non, tu sais pourquoi ? Parce que je m'envoie une bonne bière fraîche et tout va mieux. Non, c'est pas long à redescendre. Qu'émotionnellement, on monte tellement. C'est l'émotion, l'émotion. Voilà, l'émotion, ça doit être dur après. Oui, hein, l'émotion. C'est wow. Ouais. C'est... Et là, la fatigue arrive pour de vrai. Ben voilà, c'est ça. Et quand il y a. Parce que quand tu t'amuses, quand tu te fais chier, quand tu t'emmerdes, tu arrêtes vite. Mais quand tu t'amuses, t'as jamais envie que ça s'arrête. C'est ça. Il est là, le truc. Il y a un tel retour et un tel partage que c'est phénoménal, quoi. Ah, mais là, c'était quelque chose, je pourrais jamais l'oublier, un truc comme ça, tu vois. C'était en quelle année, ça ? Pardon ? C'était en quelle année, ça ? C'était quand ? C'était l'année avant le Covid. Ah ouais ! L'année avant le Covid. Ah oui, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, ouais, dis donc. Ah, c'est chouette. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis contente d'apprendre que c'est pas la fin, que c'est juste la fin de 2023. Oh là là, bon, on va scruter tes dates et puis j'arrive à la première date. Hein. Où que tu sois, j'arrive à la première. Avec Seb, on arrive tous les deux. Alors on va écouter une autre chanson de toi. Qu'est-ce que tu as comme chanson de Richie ? N'importe ? Vas-y, un live. Eh bien écoute, on écoute encore notre Richie. Chers auditeurs, c'est quoi ? Ah, Richie demande c'est quoi ? Tu sais pas, on va découvrir. Allez, on écoute, Richie. Non, je l'ai pas sorti celle-là encore, je sais pas. On écoute, Richie, on te retrouve. Ouais. Hey. Allez, les mains. Et ça fait Gabriel. C'est Gabriel. Levez les mains. Allez, c'est Gabriel, on lève les mains, on chante très fort. Wouh! comme dit Richie, bah, c'était Gabriel. Alors justement, c'était un extrait du spectacle du 2 février 2019, là où j'ai fait ta connaissance. C'était donc à Saint-Privé-Saint-Mémin, à la salle des fêtes, cette soirée organisée par Seb, Seb Animation et Association Appel 45. C'est ce jour-là que c'était donc un concours de chant, un concours de chant de Johnny, où tu étais le président du jury, justement. D'accord, et tout donc, à fait, je me souviens pas. Voilà, et puis donc toute cette première partie, c'était la finale du concours de chant, et en deuxième partie, eh bien, on avait le concert avec toi, et c'était que du bonheur. Et donc, je me souviens d'ailleurs du gagnant, qui avait une voix exceptionnelle. Et ben voilà, le gagnant s'appelait Romain, et a priori, ben, tu vois, Seb, c'est pas un technicien pour rien, c'est mon préféré, c'est pas pour rien. On va pouvoir écouter un petit morceau, tu l'as ? Ah oui. Eh bien, on va écouter justement le gagnant qui t'a marqué par sa voix exceptionnelle. Il s'appelait Romain. On écoute Romain ensemble. On écoute Romain. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs. Et tous ces mots qui me font peur, que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Attends, laisse faire les jours. Et à l'amour, un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Eh bien voilà, c'était Romain, le gagnant de ce concours de chant dont tu étais le président, cher Richie. Je me souviens pas tellement. Ouais, franchement, c'était bien. Alors, moi, je vous signale, chers auditeurs, parce que là, vous n'avez entendu que le son. Nous, on a la chance de voir les images. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette soirée sur YouTube. Il y a 3 heures de spectacle. Hein, il fait nuit à 18h. Vous voyez, si vous voulez vous faire une petite soirée plateau télé, vous allez sur YouTube, sur la chaîne Seb Animation. Et vous allez chercher la page première partie et deuxième partie hommage à Johnny du 2 février 2019. Donc vous aurez en première partie tous les candidats de ce concours, hein, de la finale de ce concours, avec le président donc Richie du concours et les jurés. Et on voit Marie d'ailleurs là, très belle chanteuse aussi. Et puis en deuxième partie, le concert de Richie. Donc, c'est un très bon moment à passer devant votre télé. Et franchement, c'est là que j'ai fait ta connaissance, Richie, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai. Exactement cette soirée. C'est vrai. Mais c'est justement aussi ça que je tiens à souligner. C'est que j'ai fait, dans ma vie, grâce à ce métier, de très, très belles rencontres, tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est très important. C'est très important. J'ai rencontré des gens absolument exceptionnels. Comme quoi, il n'y a pas que des connards, quoi, ni des connasses. Ouais, il y a des gens, il y a beaucoup de gens bien. Exactement. Et puis, tu sais, Johnny m'avait dit, ça rapproche ce que tu viens de dire et ce que tu as dit précédemment. Johnny, la première fois qu'il m'a vu, enfin, que je l'ai vu plutôt, à la fin du premier concert où il m'a donné ce surnom d'alcaline, hein, puisqu'il m'a dit, mais toi, t'es extraordinaire. Ouais. J'étais jeune, hein, j'avais 15 ans. Et il me dit, mais comment tu t'appelles? Alors, je dis, bah, je m'appelle Annie. Il me dit, ah non. Il dit, moi, je ne t'appellerai jamais Annie. Pour moi, tu seras toujours alcaline. Et franchement, C'est incroyable d'avoir des rencontres comme ça. Et il m'a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Ouais. Et la première fois... Tu sais que Johnny n'aimait pas les choses. Ah mais ça, je sais. Alors, ça, je peux le dire, parce que moi, j'ai eu l'occasion, comme je le raconte dans mon livre, hein, de rencontrer Johnny. Alors déjà, 282 ouais. concerts, c'est pas rien. Et j'ai eu l'occasion de parler régulièrement avec lui. Et un jour, on a abordé ce sujet des sosies. Alors, je t'en ai pas parlé cet après-midi, parce que je voulais faire la surprise jusqu'au bout. J'ai fait des rencontres aussi dans différents spectacles. J'étais, en l'occurrence, avec un groupe de dragsters. Et des motos, enfin bon voilà, des tas de choses comme ça. Et ils étaient très rock'n'roll. Et un soir, ils m'invitent à une soirée où venait un sosie de Johnny. Alors bon, évidemment, moi j'étais sous le charme parce que voilà, j'entendais du Johnny, mais voilà, et il chantait pas trop mal, il faut dire. Bon. Et ce gars me dit, à la fin du spectacle, il me dit « Bah oui, mais moi j'en ai marre de chanter dans des restos avec 40 personnes, avec une bande sonore. Moi j'aimerais bien avoir mon groupe un jour et puis faire de la scène. » Et je ne sais pas pourquoi, il m'avait semblé tellement sympathique que je dis « Bon, bah écoute, je vais t'aider. » Je cherche des musiciens, parce que bon, j'étais quand même pas mal dans le milieu musical, donc je cherche des musiciens. On monte son groupe, on commence les spectacles. Eh bien écoute, ça, bon... On a publié à l'époque, c'est pas si vieux que ça, hein, on a publié tout ça, enfin bref, ça, et puis ça se sait très vite surtout. Un jour, je vais voir Johnny, j'ai l'occasion de le voir dans sa loge, il me dit « Je te félicite pas ». Ah mince, et qu'est-ce que j'ai fait ? Il me dit « Non, je te félicite pas parce que tu t'occupes d'un sosie de Johnny, j'ai horreur des sosies de Johnny ». Ah merde, bon, bah évidemment, c'était un peu mal barré. Il me dit « Sauf un ». Ah, qui ça ? Ah bon ? Richie. Voilà. Ah oui. Donc voilà. Ah ben oui, ça me surprend pas, parce qu'il l'avait déjà dit à moi personnellement, mais qu'il l'ait dit à d'autres personnes, alors ça, voilà. C'est quand même surprenant. Tout est dit. Alors il a commencé par me dire qu'il n'était pas très content que je m'occupe d'un sosie de Johnny. Je n'aime pas les sosies de Johnny, sauf un. Et voilà, il a cité tout. Ah, il les avait pas, je sais. Donc c'était quand même, voilà. Ah ben oui, c'était un honneur pour moi. Ben oui. Il m'a dit un jour, il m'a dit, de toute façon, t'es le meilleur, laisse tomber, hein, tout ça. Ouais. Bon, puis de toute façon, je fréquente pas ce milieu trop, à part 4-5 sosies professionnels, qui sont de véritables artistes, comme sosie de Renaud, de Farmer, etc., tu vois. Ouais. Donc là, oui, on travaille souvent ensemble. Mais sinon, après, tout le reste, il y a beaucoup. Comme disait Coluche, il y a à boire et à manger, mais il y a surtout à vomir. Oui, mais bon, on va se fâcher avec personne, c'est pas le but. Mais en tout cas, voilà, je voulais te dire que bah voilà, Johnny m'a fait cette révélation et bah voilà, c'est ça me fait plaisir. Ben ça me fait beaucoup. Bah c'est normal, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ton quatrième coup de cœur. Alors ça, moi je c'est une chanson que j'aime énormément, c'est la chanson Essayer. Parce que moi, je trouve. Alors, cette chanson, elle est sortie sur l'album Vie en 1970. Je n'ai pas choisi cette version-là. J'ai choisi la version de Bercy 2003. Mais j'aime cette chanson parce qu'elle a été écrite en 1970. On est en novembre. Ouais, ouais. On est en novembre 2023. Les parents... tes auditeurs vont le prendre pour un vieillard. Oh. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les paroles de cette chanson, chantée en 1970, on est en novembre 2023, les paroles, il n'y a rien à changer, tout est d'actualité. Ouais. C'est vrai. Tout ce qu'il dit dans cette chanson, il faut essayer absolument, il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut avancer. Je veux dire, en 2023, on se dit la même chose. Elle est très très belle. C'est une chanson qui est intemporelle et qui a été écrite quand même il y a tellement longtemps. Et aujourd'hui, chaque parole a son sens. Il faut continuer à essayer malgré tout ce qui se passe, malgré l'actualité, malgré les difficultés de chacun. Cette chanson, elle aurait été écrite hier, ben elle aurait la même valeur. Tu vois ce que je veux dire? Elle a un sens bien précis. Hein. Essayer, ça ne veut pas dire quand vous partirez de chez vos parents. Non, c'est quand vos parents vous quitteront. Exactement. Tu vois? Exactement. Mais donc, les mots ont un sens dans cette chanson. Les mots ont un sens et ils sont encore d'actualité. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. des chansons comme ça, mais c'est intemporel, c'est extraordinaire. Magnifique. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai choisi la version Bercy 2003, tout simplement parce que j'adore le direct, j'adore le live. Et voilà, donc à Bercy, ben c'est bon choix, c'est bon choix. Ben merci. On se transporte tous à Bercy, là, hop, en téléportation. On arrive à Bercy, on est avec Johnny, ses musiciens, on est avec toi, on est avec les auditeurs, on est surtout sur la radio Web Passion, et on écoute Essayer. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer de vous aimer. À votre tour de réussir tout ce que nous avons gâché, avons raté. Essayez. Tous les grands mots, amour et paix et liberté, essayez. Essayez de vous aimer. Eh ben oui, vous avez compris le message de Johnny, il faut essayer. Ça fait tellement de bien de t'entendre, Johnny. Merci Richie encore pour ce choix, parce que vraiment c'est une chanson extraordinaire. Alors ce Bercy 2003, c'est tellement bon de s'y retrouver. On a l'impression d'être tous ensemble là, au pied de la scène, et d'être comme des piles, quoi. C'est une chanson incroyable, incroyable. Alors, il y a toujours des questions qui arrivent. Hein, quand est-ce que tu reviens sur Orléans? Quand est-ce qu'on te revoit? Quel est ton prochain concert? Plein de bonjours. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. J'arrive. Ah bah dans le... Non, mais le plus tôt possible. Là. Je vais un petit peu arranger mon calendrier de 2024. Et puis, j'espère être dans la région. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Vous avez... dans cette région, il y a une très, très bonne mentalité publique. C'est un petit peu... pour moi qui suis du Midi, c'est un petit peu le Nord. Hein. Mais dans le Nord, etc., y a le public est très, très, comment dirais-je, est très sensible. C'est vrai. Ouais, c'est tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quand on organise des choses par rapport à Johnny, c'est vrai. C'est adorable. Les gens sont adorables. Alors, il y a une fan hein, qui sur les réseaux, puisque elle est sur mes groupes Johnny aussi. Elle s'appelle Rose. Hein. Rose Pétale. Elle a publié une photo de toi en concert. Alors c'est où c'est? Tu me dis que c'était dans un camping, c'est ça? Ouais. C'est au camping de quoi? Ah, tu sais pas. Ouais. Elle a déjà un très joli prénom. Oui, elle a déjà un très joli prénom. Ben justement, elle a publié une photo de toi en concert. C'est génial. Merci Rose, super. Franchement, impeccable. Merci Rose. Ouais, franchement, c'est bien. Tu vois, t'es suivi. Hein. Quand je te le dis que t'es suivi, il n'y a pas de souci. Ils sont à l'écoute, ils écoutent la radio, ils regardent le live et ils t'entendent et ils envoient leurs photos. C'est génial, franchement. C'est trop bien. Comme dirait mon ami Patrick Sébastien, oh putain, c'est génial. Oh putain, c'est génial, ouais, c'est clair. Bah écoute, franchement, au nom des auditeurs hein, de la radio, Web Passion, et puis de tous les auditeurs de cette émission qui a lieu tous les mercredis hein, de 21h à 23h, franchement, on te remercie du temps que tu nous as consacré, parce que bon, quand même, finalement, on est resté une heure et demie ensemble, hein, ça a l'air de rien. Allez, c'est un réel plaisir. Mais oui, voilà. Mais c'est un plaisir. Donc, je vous embrasse tous. C'est un plaisir. Énorme bisous à Sébastien, à toi, et à tous tes auditeurs. Puis à très vite dans ta région, j'espère. Eh bien oui, à très vite dans la région. On donnera des nouvelles quand ton livre va être en vente dans tous les bacs. Et puis, je donnerai des nouvelles de temps en temps. Et puis tu nous en donnes aussi. Et puis voilà. Et puis tu souhaiteras le bonjour à quelqu'un qui, j'allais dire, à quelqu'un qui habite dans ton coin. Non, c'est toi qui es allé habiter chez lui. C'est à Didier Métivier. que tu as vu il n'y a pas très longtemps. Vous avez mangé ensemble, je crois, il m'a dit. Qui ça? Didier Métivier, qui habite pas loin oui, de chez toi. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui. Et oui. Ah oui, oui, oui. Alors Didier... On a déjeuné ensemble. Mais lui, si tu veux, il s'occupe, il fait des tournages de films de western. Bien sûr. Ben dans, oui. le, dans, la, dans le grand désert d'Almérie. Hein. Exactement. Et donc Didier Métivier a été guitariste de Johnny Hallyday à Bercy 91 ou 90. Ouais. Ah ouais, et, et on l'a fait venir donc en décembre, le 9 décembre 2022, dernier, il y a presque un an, pour l'hommage à Johnny à la cathédrale d'Orléans. Et c'était, notre, c'était notre invité. Et, et donc, un bon gars, un mec adorable. Exactement. Ouais. Et puis alors, on garde le contact, évidemment, puisque moi, je bosse à la Paillotte avec son frère. Hein, D'accord. Et donc... De toute façon, je vous tiendrai, tu sais, je vous tiens au courant par mes Facebook. Bien sûr. Richie chante pro. Exactement. Richie chante pro. Exactement. Voilà. T'as bien fait de le dire. Vous pouvez donc suivre l'actualité de Richie sur la page Facebook Richie chante pro. Et pour finir l'histoire, justement, comme j'ai toujours contact avec Didier Métivier, il m'appelle il y a pas très longtemps. Il me dit, tu devineras jamais qui j'ai rencontré et avec qui j'ai mangé ce midi. Bah non, je sais pas comment veux-tu que je devine. Il me dit Richie. Incroyable. J'ai dit, bah alors là, exactement. C'est quand même. Vous avez... Exactement. Et tu seras au courant parce qu'il veut me faire tourner dans un de ses films. Ah oui, ça, il me l'a dit aussi. Mais ça va être génial. Ça va être top. Ça va être top. Bon, on s'y tient au courant de tout ça. Écoute, Richie, je te fais plein de bisous. Je te remercie pour ce bon moment que tu nous as fait passer ce soir dans l'émission sur Radio Web. C'est plaisir partagé. Et j'embrasse tout le monde, tous les auditeurs. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Soyez heureux et très belle fête de fin d'année. Eh ben, également à toi. Hein. Et puis, tu as la chance, tu es au soleil, il fait beau. Envoie-nous un petit peu tes rayons de soleil. Ça roule. Gros bisous. Gros à bientôt. Bisous. À bientôt. Okay. Alors, on va continuer avec une chanson de notre Johnny. Eh bien, écoutez, on va écouter Le cœur en deux. C'est pas récent, cette chanson. Ah oui, c'est vrai, en plus. C'était une chanson qui était demandée par Richie. Oh là là là là, heureusement qu'il est là, mon technicien préféré. On écoute une chanson que souhaitait écouter Richie. On écoute. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Le seul homme en qui j'aurais cru. Ce père que je n'ai jamais vu. On m'a donné un nom, on m'a donné la vie. Tant pis si je ne sais pas qui. Je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. N'y touchez pas, vous qui ne le connaissez pas. Il n'y a qu'en moi qu'il l'ait vécu. Ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti vers un horizon, vers l'oubli. Il dort pour une longue nuit. j'imaginerai tout le reste. Et j'imaginerai sa vie. Il était mon premier secret. Et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Oh, pour ce père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Retrouvez toutes vos musiques préférées grâce à l'application Radio Web Passion, disponible sur App Store et Android. Eh bien, c'était le dernier coup de cœur de Richie à propos de mon père. C'est vrai que c'est une magnifique chanson. Alors moi, je félicite encore Richie, même s'il n'est plus au téléphone avec nous, mais il doit être à l'écoute. Je te remercie, Richie, pour ton choix des coups de cœur, parce que c'était des chansons à chaque fois qu'on n'entend pas. Bon, essayez, on l'entend un petit peu plus, mais elle avait un message vraiment particulier. Et vraiment des choix de chansons qu'on n'entend quasiment jamais et qui sont pourtant tellement belles. Donc vraiment merci, Richie, pour cette superbe interview, ce super moment passé ensemble. Et puis moi, je voudrais, Richie, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'on remercie énormément mon technicien préféré, Seb, parce que franchement, cette émission ne pourrait pas avoir lieu dans les conditions où elle est si je n'avais pas un technicien aussi pro. Alors, je vous rappelle quand même que Seb Animation, c'est quand même son métier, hein. Donc forcément, il a fait de la radio pendant des années, donc j'ai tout à apprendre avec lui. Et franchement, voilà, merci Seb, parce que on a fait ce soir une émission qui correspond à mes attentes, qui correspond à mes envies. Je pense que j'ai fait énormément plaisir à Richie, on a fait plaisir à tous les auditeurs, à ceux qui regarderont peut-être le live en décalé, qui regarderont peut-être le podcast si on arrive à le mettre, enfin je pense. Et voilà, c'est exactement le genre d'émission que j'ai envie de vous proposer régulièrement. Et sans Seb, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc, merci à toi, Seb, de ton professionnalisme. Alors, je ne peux même pas vous dire de venir découvrir Seb à la prochaine soirée qui aura lieu samedi prochain, le 11 novembre, à Sercotte. C'est une soirée organisée par la Radio Web Passion. Je ne peux même pas vous dire de venir à cette soirée et de venir saluer Seb, parce que c'est complet. Alors, on est victime de notre succès, on va dire dommage. Non, pas dommage, on est super contents. Mais ce sera pour une prochaine. Je pense que la prochaine, c'est en mars 2024. Alors, je n'ai pas la date exacte, je vais vous la donner tout à l'heure. Elle va changer. Bon, en tout cas, je ne peux pas vous dire de venir samedi prochain, mais en mars 2024, je vous en reparlerai. Et si vous voulez venir voir un petit peu les animateurs de cette radio Web Passion, à quoi on ressemble, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a comme musique, ce qu'on a à partager, ce qu'on a à vous dire, les soirées qu'on est capable d'organiser, des soirées super, eh bien, vous prenez déjà votre agenda, vous dites en mars 2024, on essaiera d'aller voir toute cette équipe, cette belle radio Web Passion. Et puis, pourquoi pas, si Richie est dans le coin, pourquoi pas venir nous voir, passer, nous faire un coucou, nous chanter nos deux chansons, boire une bière avec lui. Et puis voilà, alors par contre, évidemment, je ne peux pas vous proposer de venir à cette soirée puisque c'est complet, mais par contre, on va retransmettre toute la soirée, hein, qui va quand même durer pas mal de temps, hein. On va la retransmettre en live sur Facebook, comme on a fait pour ce soir, hein. Vous avez pu suivre l'émission en direct, Eh bien, à défaut de pouvoir être présent avant de venir physiquement en mars 2024, eh bien, vous pourrez écouter toute la soirée, toute cette soirée Radio Web Passion sur les réseaux sociaux. Donc, vous irez sur la station, mais je vous mettrai les messages et le lien surtout pour y aller. Et puis, vous pourrez écouter à quoi ressemble une, une soirée organisée par la radio, celle que vous écoutez toute la semaine, parce qu'il n'y a pas que l'émission du mercredi, bien sûr, il y a aussi plein d'émissions en direct. Et puis cette radio fonctionne 24 sur 24, bien sûr. Notre président Arnaud s'en occupe largement au niveau de la programmation et Seb y met bien la main à la pâte aussi. Donc voilà, c'est une radio que j'aime énormément, qui mérite d'être connue encore plus et de vous satisfaire dans tous vos choix musicaux, parce qu'il y a vraiment tous les styles de musique dans cette radio. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer. On va écouter une petite chanson avant que je vous parle un petit peu de cet Olympia qui a eu lieu lundi dernier avec le 120e anniversaire de Harley Davidson, et puis vous donner quelques petites dates de dédicace pour mon livre. Alors on va écouter la chanson Le cœur en deux, je vais vous dire après pourquoi. C'est pas une chanson qu'on entend rarement, on l'entend relativement souvent parce qu'elle est tellement belle qu'elle est souvent choisie par mes invités. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une raison bien particulière. Donc on écoute cette chanson « Le cœur en deux » qui a été écrite par Pierre Billon, justement, et Jacques Revaux. On y va, vas-y Johnny. J'en suis sûr. notre histoire. Sur tes lèvres, au fond de tes yeux, ce sera ma dernière gloire. Radio Web Passion, la web radio du Loiret, à Sercotte. Alors encore une chanson, cette chanson Le cœur en deux qui me met des frissons partout. Là j'avoue que avec cet orgue et tout ça, c'est incroyable. C'est pas une chanson que Johnny a chanté souvent en concert, hein. Faut quand même être honnête, il l'a pas chanté souvent. Mais bon, quelle chanson. Alors je n'ai pas choisi ce titre pour rien, parce que c'est vrai qu'on a l'occasion de l'entendre. C'est simplement parce que cette chanson a été écrite par Pierre Billon. Et que dans deux jours, donc on est le 8 novembre, dans deux jours le 10 novembre, sort le premier single de Marie-Max Billon, donc la fille de Pierre Billon, cet album que Pierre a écrit pour sa fille. Et donc le premier single, Mad Max, elle nous fait des confidences là, hein, elle publie depuis quelques jours, elle est tellement contente. Et donc cette chanson aura rapport avec Mad Max. Sort donc le 10 novembre. Voilà, dans deux jours, vous pourrez aller sur les réseaux sociaux, donc sur la page Marie-Max Billon ou Marie-Max Musique, et vous découvrirez ce nouveau single. Et nous aurons la chance d'avoir en interview Pierre Billon et Marie Billon pour la sortie de cet album. Et ça, je m'en fais une grande joie. Voilà. Donc, cette chanson, justement, Le cœur en deux, avait, parce que bon, Seb n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on avait également organisé un concours de chant Johnny à Vierzon au Salon Vintage fin septembre, c'est toujours fin septembre en 2020. On avait donc organisé le samedi soir un concours de chant. Le président du jury, cette fois-ci, c'était pas Ritchie, c'était Pierre Billon, justement, qui s'était déplacé, qui avait adoré d'ailleurs ce Salon Vintage. Et puis, le gagnant, c'était, vous le connaissez, il avait choisi cette chanson Le cœur en deux, puisqu'il savait que le président du jury, c'était Pierre Billon. Donc, Seb lui avait dit, tu sais, franchement, avec Pierre Billon, ce serait bien que cette chanson... il avait gagné avec cette chanson. Et ce gagnant, vous le connaissez très bien, c'est JB Tatou. Vous voyez comme disait Ritchie tout à l'heure, il y a de très belles rencontres qui se font. JB Tatou s'est inscrit à ce concours. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, maintenant, il fait ses spectacles tout seul. Donc, c'est bien. C'est la solidarité à l'IDN. Et ça, j'aime ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de... On n'a plus beaucoup de temps. Hein, ça passe tellement vite. Je voudrais quand même vous parler un petit peu de cette soirée à l'Olympia lundi dernier, le 6 novembre. C'était donc les 120 ans de Harley Davidson. Donc Harley Davidson avait décidé de marquer quand même l'événement et désirait marquer cet événement dans une belle salle parisienne, on va dire. Et pour eux, il n'y avait que l'Olympia qui représentait le rêve qu'ils avaient de fêter cet anniversaire. Mais bon, voilà, au niveau organisation, ça, il n'y a pas de souci. Hein, ils se sont débrouillés comme des chefs. Par contre, au niveau musical, plateau musical et ainsi de suite, programmation, ça, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Donc, ils ont fait appel à Manu Lanvin. Moi, je ne vous cache pas que j'avais vu Manu Lanvin une fois en concert, mais il y a déjà pas mal de temps. C'était un petit concert comme ça, un petit peu privé. Bon, voilà, Manu Lanvin, oui, il chante bien et tout. Là, j'ai pris une claque, mais une claque. Il est venu avec son orchestre. Et il a invité du beau monde, hein. Évidemment, il a invité tous les guitaristes de Johnny déjà. Hein. Il y avait Fred Chabelier, il y avait Nono Krief, il y avait Yarol Poupeau, il y avait Philippe Alsmonimo. Enfin, il y avait incroyable. Il y avait Axel Bauer. J'essaye de me remettre sur la photo pour vous donner un petit peu toute la programmation. Je publie tellement en ce moment que je m'en sors pas, mais voilà, ça arrive. Donc, il y avait Axel Bauer, il y avait Johnny Gallagher, il y avait Little Bob. Non, mais vous vous rendez compte, Little Bob, je ne l'avais pas vu depuis je ne sais combien d'années. Et puis Johnny Gallagher, c'était merveilleux aussi. Et puis la surprise, il fallait une surprise dans cette soirée, il fallait une surprise. Alors la surprise, elle est arrivée, à la bonne moitié de la soirée. Manu Lanvin dit « Allez, c'est le moment de la surprise de la soirée ». On savait qui c'était, la surprise, il était annoncé, c'était David Hallyday, évidemment. Alors nous, on s'est dit, David Hallyday, il va arriver comme les autres, il va arriver de la coulisse à court, et puis il va arriver avec sa guitare, il va nous faire deux chansons, parce qu'en fait, chacun venait faire deux morceaux. Hein. Donc Fred Chapelier, Nono Krief, tout ça, Yarol Poupeau, enfin, ils sont tous venus faire deux morceaux. Donc on s'est dit, David va arriver avec sa guitare, il va nous chanter deux morceaux. Et donc au moment où Manu Lanvin annonce la fameuse surprise, donc David Hallyday, on était tous à regarder cette coulisse-là, côté court. Bon, il arrive avec sa guitare, il arrive, le micro est prêt et tout. Et là, d'un seul coup, toutes les lumières sont fixées sur la batterie. On se dit, ok, parce qu'elle était quand même assez loin, la batterie, la scène était immense. Oui, ils mettent en lumière le batteur le temps que David Hallyday rentre sur scène. Et là, d'un seul coup, je me mets à hurler. En fait, le batteur, c'était David Hallyday. Il était installé à la batterie et il commençait à faire un solo de malade. Ils ont enchaîné avec tout le groupe. Ils ont fait deux morceaux. J'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous allez forcément tomber dessus, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Vous allez sur ma page. Et il nous a enchaîné des solos de batterie. Non, mais incroyable, incroyable. Après sont venus évidemment Yarol Poupeau et Philippe Alsmonimo, qui étaient quand même les guitaristes de Johnny. Fred Chapelier est arrivé, enfin tout le monde est arrivé pour faire toute la partie guitare avec David Hallyday. C'était un moment géant. Et puis j'ai eu mon émotion intense. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore publiée. J'ai voulu en profiter jusqu'à maintenant. Je la publierai à partir de demain. Vous savez que j'ai écrit un livre qui est sorti le 27 septembre dernier sur la route avec toi, Johnny. Et j'avais la ferme intention d'offrir. C'est un livre, j'avais fait la promesse à Johnny de l'écrire. Donc, c'est pas quand on promet d'écrire un livre qu'on est sûr d'y arriver. Il faut déjà être sûr d'aller jusqu'au bout de l'écriture, être sûr que ça plaise, trouver l'éditeur qui va vous suivre, ce qui est le cas. Un point, c'est tout, avec Alain Guillot. Et après, je me suis dit, mince, j'ai l'occasion de voir David Hallyday. Mon plus beau cadeau que je voulais offrir à Johnny, eh bien, c'est de l'offrir à son fils. Mais voilà, comment faire? C'était très verrouillé, pas possibilité d'aller en backstage, pas possibilité d'avoir de bracelet. Eh bien, j'ai tenté le tout pour le tout. Et quand David est descendu de la batterie, puisque c'était sur une estrade en hauteur, il est venu au bord de la scène embrasser Manu Lanvin, qui nous a demandé évidemment de faire une ovation à David Hallyday. Et à ce moment-là, tous mes compères qui étaient autour de moi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit, tout le monde hurlait de bonheur de voir David Hallyday. Et à ce moment-là, tous mes compères qui étaient autour de moi, qui font donc partie du Yarol Fan Club, sont tous mis à crier en me montrant. Moi, j'avais le livre tendu dans la main et David commençait déjà à sortir de scène parce que tout s'enchaînait. Ils jouaient chacun deux morceaux et il fallait enchaîner, il fallait continuer. Il a tellement entendu crier, il a tellement vu tout le monde mettre les mains vers moi qu'il a retraversé toute la scène. Il est venu, il a pris mon livre, il m'a fait un bisou, il est parti avec mon livre dans la main. Donc mon livre se trouve actuellement dans le salon, sur la table de nuit ou dans la bibliothèque de David Hallyday. La boucle est bouclée. Cher Johnny, c'est ton fils David Hallyday qui a mon livre dans tes mains, dans ses mains. Voilà, je vous publierai la vidéo demain parce que j'ai eu la chance sur la page Instagram de Manu Lanvin de voir tous ceux qui lui avaient envoyé ces petites vidéos pour le remercier de cette merveilleuse soirée. Et il y avait une personne qui avait filmé et figé cette image de David qui vient chercher mon livre. Donc, je vous la publierai demain. Je n'ai pas encore atterri, je suis trop heureuse. Donc, voilà. Si vous voulez me retrouver, je ne vais pas trop tarder, mais si vous voulez me retrouver en dédicace pour que je puisse vous parler de mon livre et vous le dédicacer, je serai en dédicace donc à Migennes. Migennes, évidemment, hein, vous connaissez où ça se trouve. Hein. Je serai en dédicace le dimanche 19 novembre. J'y serai avec mon éditeur, Alain Guillot, à Point C'est Tout. Je serai également en dédicace pour l'Orléanais, donc au centre culturel, à l'espace culturel du centre Leclerc, le 24 novembre à Olivet. Et je serai également en dédicace le 30 novembre au Troquet Royal, juste au niveau du Pont Royal à Orléans. Donc voilà, il y en aura bien d'autres, mais bon, tout ce qui concerne les prochaines dates, voilà, elles sont là. Et pour les Orléanais, ceux qui habitent dans le Loiret ou qui voudraient faire quelques kilomètres, eh bien je vous retrouverai avec grand plaisir. Voilà, on va écouter une autre chanson qui sera peut-être la dernière. Je ne sais pas quelle heure il est. Oh là là, oui, ce sera la dernière. Laquelle je vous choisis pour la dernière chanson? Eh bien, écoutez, on peut peut-être mettre... on va écouter... Bah, tiens, Johnny revient. Moi, je trouve que c'est impeccable. Johnny revient, c'était l'album Johnny Live en 1981. Vas-y, Johnny, si tu pouvais revenir. On n'attend que ça. Qu'est-ce que ça passe vite, 2 heures. 2 heures en votre compagnie, 2 heures avec Johnny et puis 2 heures avec notre Richie, que je remercie encore. Je suis vraiment ravie de cette émission. C'était ce que je voulais et franchement, j'espère que vous avez tous passé un aussi bon moment que moi. Je viens de recevoir un petit message, justement, on parlait avec Richie tout à l'heure de Didier Métivier. Et je viens de recevoir un petit message de Didier qui me dit... ton livre est arrivé dans mon salon. Ben oui, vous voyez, il est arrivé dans le salon de David Hallyday lundi, et puis lundi ou mardi, le temps qu'il rentre chez lui. Et puis là, il est arrivé dans le salon de Didier Métivier, guitariste de Johnny quand même. Donc voilà, bon, ben écoute, merci Didier. Effectivement, tu me dis que tu vas me faire une petite photo spéciale demain. Vous savez, en tant qu'auteur, moi je lis énormément hein, depuis longtemps, hein, mais c'est vrai que c'est touchant hein, de se dire ça y est, votre bébé, il arrive sur les tables de salon, sur les canapés, sur les tables de nuit, dans les bibliothèques, chez les gens. Donc c'est particulier, c'est très émouvant. Alors écoutez, on a passé une très très bonne émission avec Richie qui nous a vraiment gâté en anecdotes, hein, franchement, de ses débuts avec Johnny. Franchement, moi j'ai cette image de Richie assis sur un flycase, sur les coulisses de la scène. Franchement, je comprends que ça l'ait marqué, qu'il puisse nous raconter ça à la seconde près. Merci pour tous ces éléments. On reparlera de son livre, hein, Richie, qui sortira donc début 2024. Vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant, vous pourrez aller l'acheter, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on a parlé de cet Olympia avec cette visite de David Hallyday qui était quand même exceptionnelle, ce show. Alors cette soirée Harley Davidson a voulu l'organiser par rapport à l'association Petit Prince. Vous savez, c'est cette association qui organise les rêves des enfants gravement malades. Voilà. Donc ils en ont réalisé, je ne pourrais plus vous dire le nombre parce que c'est phénoménal. Et voilà, donc tous les profits de cette soirée iront à cette association et franchement ça nous fait chaud au cœur. Voilà, et puis je vous retrouverai mercredi prochain. Mercredi prochain je serai au studio de Radio Web Passion. Je vais me mettre un petit peu sur ce nouveau matériel là, mais bon, j'ai un bon professeur à côté de moi qui m'a bien appris, je devrais m'en sortir. Donc, n'oubliez pas hein, de vous connecter sur Radio Web Passion samedi. À partir de quelle heure, Seb? On met en live à partir de 20h, 21h jusqu'au bout de la nuit. Hein. Voilà, n'hésitez pas à venir nous écouter. Hein. Vous pouvez faire autre chose en même temps, hein, faire votre vaisselle, manger, danser, même lire un livre. On peut écouter de la musique en lisant un livre, je sais de quoi je parle. Et vous verrez un peu l'ambiance qu'il y a dans les soirées Radio Web Passion. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouve samedi en écoute et puis sinon mercredi prochain. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie de votre écoute. Vous êtes vraiment formidable, comme le disait Johnny. Bye. Trouvez toutes vos musiques préférées grâce à l'application Radio Web Passion, disponible sur App Store et Android. Radio Web Passion. Radio Web Passion. La web radio du Loiret à Sercotte.